c'est bon de retrouver sa voix. Spéciale dédicace à la cortisone. Merci au Guronzan. Oh, I am a good. Je te happy, just quitte avant. Si à mon fille de neige dans ma tête, y'a que du verglas sur la fenêtre. À fil de go, à fil de go. I am a good, but there will be just a guitar. The harmony, à fil de go, à fil de go. Yeah.